北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. Hello, 你们好，欢迎您继续收听法语三百句节目，我是彭文娟。 Bonjour les amis, je suis Marc, comment allez-vous? 在今天的节目中，我们将一起来学习第十五课，请大家跟我们一起去法国的餐馆走一走。 Aujourd'hui, nous allons apprendre la leçon 15, au restaurant. 在学习新的内容之前，我们先听一段小对话。 Bonjour mademoiselle,J'aimerais essayer cette veste. Oui, la voilà. Cette veste est en soie, n'est-ce pas? Oui, elle est en soie et elle vous va très bien. Combien ça coûte? Ça coûte 100 francs. C'est cher. C'est cher, mais c'est très beau aussi. Mais si j'achète cette veste, je n'ai plus assez d'argent pour aller au restaurant. 在刚才的对话中，我们复习了关于购物的一些表达法。另外，最后一句话中，马克说到，如果我买了这件上衣，我就没有足够的钱去餐馆了。餐馆这个词我们在前面见过，用法语说就是 restaurant。 当你走进一家餐馆后，服务员会问您这样一句话， Qu'est-ce que vous voulez manger? 你想吃点什么？ Manger 是吃的意思，同样如果问你想喝点什么，就是 Qu'est-ce que vous voulez boire? Qu'est-ce que vous voulez mangerQu'est-ce que vous voulez manger? 法国的餐馆与中国的餐馆略有不同，在那里可以有两种选择。 Vous voulez manger à la carte ou au menu? 您要点菜还是吃客饭？ À la carte 就是点菜，和中国的餐馆一样。Le menu 意思是菜单， au menu 就是指的套餐。 Vous voulez manger à la carte ou au menu?Vous voulez manger à la carte ou au menu? 法国的饮食也是很讲究的，第一道菜通常是汤。 J'aimerais un potage de légumes pour commencer. 我想先要一份蔬菜汤。Potage de légumes 就是蔬菜汤。 J'aimerais un potage de légumes pour commencer.J'aimerais un potage de légumes pour commencer. 当你请朋友去饭馆的时候，一定是经常请朋友点菜的。 Qu'est-ce que vous préférez, du steak ou du poisson? 你喜欢吃什么菜？牛排还是鱼 ？Préférer 的意思就是更喜欢。请注意，法语里不可数名词的前面加上不定冠词 du, de la 或者 de 表示部分。这里 steak 和 poisson 都是阳性单数名词，所以前面加上 du。 Qu'est-ce que vous préférez, du steak ou du poisson? Qu'est-ce que vous préférez, du steak ou du poisson? 马克，很多法国人都喜欢吃嫩一点的牛排，你呢？ Je veux mon steak bien cuit. 把我要的牛排煎透一点。Steak bien cuit.就是煎得透一点，不老不嫩是 steak à point， 嫩一点的牛排是 steak saignant。 Je veux mon steak bien cuit. Je veux mon steak bien cuit. 下面我们把刚才学过的内容连起来读一读。 Qu'est-ce que vous voulez manger? Vous voulez manger à la carte ou au menu? J'aimerais un potage de légumes pour commencer. Qu'est-ce que vous préférez, du steak ou du poisson? Je veux mon steak bien cuit. 我们再读一遍。 Qu'est-ce que vous voulez manger? Vous voulez manger à la carte ou au menu? J'aimerais un potage de légumes pour commencer. Qu'est-ce que vous préférez, du steak ou du poisson? Je veux mon steak bien cuit. 现在收听的是法语三百句，我们继续学习。当您去法国餐馆时，还会发现餐桌上摆着盐。当客人吃牛排时，往往是自己随口味的轻重取用。 Passez-moi du sel, s'il vous plaît. 请把盐递给我。Sel, 盐，也是一个不可数名词，前面加上 du, 表示部分。 Passez-moi du sel, s'il vous plaît.Passez-moi du sel, s'il vous plaît. 马克，你在这家中国饭馆吃饭习惯吗？ Oui, la cuisine de ce restaurant est excellente. 这家餐馆的饭菜非常可口。La cuisine 指的就是饭菜。Excellent 意思是很好，加上字母 a 与主语进行性数配合，读成 excellent. La cuisine de ce restaurant est excellente.La cuisine de ce restaurant est excellente. 我们知道著名的法国大餐的第一道菜是汤或者冷盘，那么最后一道就是甜点。 Quel dessert voulez-vous? Nous avons trois glaces à votre choix. 您要哪种甜食？我们有三种冰激凌供您选择。Dessert 意思是甜点，包括糕点、水果、冰激凌等等。 Quel dessert voulez-vous?Nous avons trois glaces à votre choix. Quel dessert voulez-vous? Nous avons trois glaces à votre choix. 如果您时间很紧，可以这样对服务员说。 Servez vite, s'il vous plaît. Nous sommes pressés. 请快点上菜，我们时间很紧。Servir 意思就是上菜，变位成 servir. 请您记住时间很紧的表达法 être pressé.如果说我时间很紧，那就是 Je suis pressé. Servez vite, s'il vous plaît. Nous sommes pressés. Servez vite, s'il vous plaît. Nous sommes pressés. 马克，我听说在法国，一个人如果吃了饭不付钱，就得留下来洗盘子，是吗？ 是的，这是个玩笑。 那我们还是结账吧。 L'addition, s'il vous plaît. 请结账。Addition, 意思就是结账。 L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. 下面我们把本课主要内容复习一下。 Qu'est-ce que vous voulez manger? À la carte, au menu. Vous voulez manger à la carte ou au menu? Du steak, du poisson. Qu'est-ce que vous préférez? Du steak ou du poisson? La cuisine. La cuisine de ce restaurant est excellente. Dessert. Quel dessert voulez-vous? Nous avons trois glaces à votre choix. Servir. Servez vite, s'il vous plaît. Nous sommes pressés. L'addition. L'addition, s'il vous plaît. 最后，我们来看法语中的小舌音 R。听众朋友们可以和马克一起读这些单词。 R. Carte. Carte. Pour. Pour. Préféré. Préféré. Restaurant. Restaurant. Trois. Trois. Servez. Servez. Bon, Lucie, on s'arrête là. Chers amis, merci de votre attention et à la prochaine fois. 听众朋友们，希望大家都能有机会品尝法国大餐，体会一下异国的饮食文化。今天的节目就到这里。下次节目再见。 这次的外语实用口语三百句讲座节目播送完了。 Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always one reason to feel straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting, you keep on building the lie that you make up for. One last time, it's easy.